Toujours la violence, hein? Petite saloperie. Je suis en crabe, grivé de balles, comme troublé, je vois triple, comme si mes tripes passaient à la trappe, sur ma tombe déjà s'inscrit RIP, pas de repos, de pitié, pour tes vieux os, ouvre les yeux, on est tous dans le zoo, à chercher mieux ou Dieu, qui nous tourne le dos, seul ou à deux, sur un radeau, pas le temps pour que tu te rates, Turvis exhibe un black qui fait la manche. Combien de cartes dans ma manche pour que je gagne la manche? Quand 5-7, j'fuck deux manches. Là ça me démange, faut que je mange. Range-toi sur le côté, le mauvais ôté. J'me suis doté d'un tout que tu puisses plus douter. Sans que j'fasse le toutou pour becter. Abouti, j'pète tout, j't'emboutis, te mets en bouteille, toi la brutie. T'as oublié ce que ça veut dire quand un chien monte ses dents. Attends-toi au pire dès à présent. J'ai plus le temps, tu comprends. J'ai plus le temps, tu comprends. T'as oublié ce que ça veut dire quand un chien monte ses dents. Ouais, attends-toi au pire dès à présent. J'ai plus le temps, tu comprends. Je prône l'amour et la paix. Liberté, égalité, reste un rêve. Ma réalité est crue. Elle, comme ma vérité, je sonne l'alarme, fous le vacarme, mais tous sont vacants, errants, le peuple n'a plus de mouvement, l'unité s'est perdue, mon grand, on se prend des bites dans le cul, perdons nos utopies, on laisse Babylone et ses rouages, voler nos avenirs, nos envies, nos sourires, on n'a plus le courage de laisser exprimer notre rage, on polie nos langages, la masse n'a plus l'avantage, mes aventures par mes gardes sont protégées, est arrivé l'heure, le moment, le bon, celui où je déboule, ma boule, je suis, j'anime la foule, barre-toi, je tire la balle, c'est pas de peau, j'en ai ras-le-bol d'être collé au quotidien tel le chien fidèle à son maître, je veux croquer la vie sans me la faire mettre. Sois fort et tiens le coup, jeune homme, tu représentes demain, prends le pouvoir et sois radical, faut pas de pitié pour le gouvernement, s'ils veulent jouer les savants à savoir ce qu'on pense, il faut les éclater, plus de violence dans nos mouvements, la jeunesse doit se libérer, Sarko, gros Didier, on va vous buter, verbalement, je suis un aimant, qui t'aime pas, mais qui t'attire, sur qui tu tires, bêtement, pieds, poings liés, tu me feras pas taire, je m'entête pour dénoncer vos faits et gestes, sauver la planète Terre, des décisions de vos putains de ministères, je ferai objection, j'ai une armée, prête à l'action, mon axe de réflexion, ma prise de position, faire connaître ma vision, représenter ma génération. T'as oublié ce que ça veut dire quand un chien monte ses dents. Attends-toi au pire dès à présent. J'ai plus le temps, tu comprends. T'as oublié ce que ça veut dire quand un chien il monte ses dents. Attends-toi au pire dès à présent. Plus le temps, tu comprends. Trop de temps gâché, de détente, de gâchette. Ta vie s'achète à quand les hommes en sachaient. Sachant que c'est chaud, mais je veux pas sécher. Nique les fachos, mon rap au pédopé. La conscience en haut, prêt à faire ce qu'il faut pour être un faux. Avant l'heure de la faux, quoi de neuf aux infos? Quels sont les effets d'un cadavre sur un glaçon? Des paroles crues sur ce son, passion, destruction. Tous un peu ange, un peu démon. Choisis bien ton camp, fais pas le con. Fais pas le con, hein? T'as oublié?